بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره مكتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا ونشكره على نعمه شكرا كبيرا على أن يسر لنا تلك الزيارة وهذا الاجتماع لذكر الله عز وجل مع ما فيه من الفضائل والمناقب الكثيرة التي تعود على الإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة وما شاء الله عز وجل qui nous a facilité كذلك en ce jour cette visite et ce rassemblement dans ces nobles demeures qui sont les mosquées afin de بطلفكم de se rappeler d'Allah عز وجل de s'entraider fil khair wa taqwa avec yani, tout ce que regroupe cela comme fada'il de grands mérites et les grandes vertus qu'il y a dans le fait de se rassembler comme on a pu évoquer à nombreuses reprises les récompenses et les rétributs qu'Allah azawajal a mis dans cela et ça c'est minbab tazkir al-ni'ma Allah azawajal qala ya ayyuha alladhina amanu uzkuru ni'matallahi alaykum wa ni'ma Allah kathiratun jiddan hatta قال الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي كما في كتابه الرسالة يعني il a fait une éloge à الله سبحانه وتعالى et à travers cela il a montré que une ni'ma حتى الإنسان il est pas capable de remercier الله سبحانه وتعالى comme il se doit parce qu'il dit si jamais الله عز وجل te donne une ni'ma un bienfait ce bienfait là tu te dois de remercier الله عز وجل. Et le fait que tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ni'ma. Donc, ça incombe que kadhalika, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de cette ni'ma, c'est-à-dire qui t'a facilité le fait que tu le remercies. Yani de ce bienfait qu'il t'a donné. Donc c'est ni'ma. Qui incombe que tu le remercies, et ainsi de suite. Une ni'ma wahida, قال, on ne peut pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est important de se rappeler des bienfaits d'Allah. Jalla wa ala wa imkan, on les connaît. Lakin, le simple fait de s'asseoir, et savoir que Malaikat al-Rahman, كذلك ils accourent à ces genres d'assises. Al-An, yani c'est qui Malaikat al-Rahman? La yahsoun Allah ma'amarahum wa yafhalouna ma'yumarun. Yani ahlu taqwa, les gens de piété. Al-An, si jamais t'entends, yani shaykh mal mashaykh, wa indahu dhunub, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith al-Qudsi, قال Allah subhanahu wa ta'ala, innakum tukhtuna bil layla wa nahar. Wa hada yani shamilun li kulli ibn Adam. Ça englobe yani tout. Créature, min bani Adam. Enfin, si jamais tu entends un cheikh qui vient pour donner une conférence, tu vas voir, mashallah, les personnes vont accourir à ce rappel-là. Ammallah, c'est l'axe, c'est-à-dire c'est toi qui t'assis et c'est les malaïka qui accourent, qui s'appellent les uns les autres à venir s'asseoir à ces assises qui sont nobles, parce que le nom d'Allah azawajal est évoqué, le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala est glorifié. Enfin, c'est des assises qui sont bartlofikum yani nobles. Et qu'ils ont une grande faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de ressentir ce bienfait-là qui est le fait de s'asseoir dans ces masajid, dans le rappel d'Allah et Azza wa Jal. Parce que c'est une ni'ma qui est azimatun jiddan. Law kashaf Allah al-ghita. Si Allah Azza wa Jal aurait, comment s'appelle, ôté ce voile qui est entre nous, al-ghayb et l'invisible, on aurait vu vraiment la grandeur de ce bienfait qui est le fait de se réunir. Léana les malaïka ils accourent, wa yihifuhum ilé. Les entoure de leurs ailes il a khiri. Fait c'est vraiment un mashhad qui est azim jiddan pour celui qui médite sur cela, qui médite sur ce bienfait et le rétribue qu'il y a dans le fait de s'assembler et de se réunir pour une cause qui est noble, qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-ikhwa, thabata min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kama 'inda al-imam Ahmad rahimahullah wa ghayruh أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله سبحانه وتعالى همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقال قيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فهذا الحديث حديث عظيم جدا. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'asbab afin de guérir mon poitrine des amarades qui peut rentrer dans les cœurs et dans les poitrines. Parmi cela, la tristesse, l'angoisse et l'akhiri. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé afin de nous éprouver. Bil khayri wa sharr. Et ça fait partie du iman bi al-qadar. Al-imanu bil qadari khayri wa sharri. Al-khayr, afin que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala et t'éprouve par le bien. Et t'éprouve kadalika par le mal, afin que tu patientes. Fal-insani la, yani da'iman bayna al-ibtila bil khayri wa sharr. فقد يحصل له من الحزن وكذلك من الهم ومن القلق ومن الغم l'angoisse, la tristesse et l'akhiri. C'est des choses qu'il va retrouver au cours de sa vie. كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم حزن ويوم فرح ويوم لك ويوم عليك كما قال العلماء في تفسير هذه الآية. فالجو jours ils alternent. Des fois t'es heureux, des fois tu as la tristesse, des fois t'es angoissé, des fois t'es épanoui. Al-insan, il est créé pour être éprouvé. Et il va retrouver à travers son chemin ces genres d'épreuves-là qui vont l'attrister, qui vont l'akhiri. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute chose, il a donné le batlofikum al-makhraj, l'issue favorable afin d'en sortir. Enfin, il a créé l'épreuve, et kazalik, il a créé les choses afin qu'on soit apaisé dans ces épreuves-là. Afin qu'elles deviennent ces épreuves-là comme un cadeau. يعني tu le reçois comme si jamais c'était un cadeau. ومن ذلك هذا الحديث العظيم. Dans lequel il a dit à النبي صلى الله عليه وسلم, toute personne, il n'y a pas une personne qui sera touchée par l'angoisse ou bien par la tristesse, et qui dit اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك, qui dit je suis ton serviteur et le fils de ton serviteur qui est Adam et le fils de ta servitrice qui est Hawa. Dans cela on retrouve بارتلو فيكم يعني التواضع وكذلك التضرع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني il a fait une grande part d'humilité auprès d'Allah سبحانه وتعالى avant de بارتلو فيكم de demander. Et on voit qu'à travers ce hadith là il y a un comportement, يعني النبي صلى الله عليه وسلم nous montre يعني le comportement qu'on doit avoir lorsqu'on fait les du'a. C'est pas directement tu demandes, يعني tu peux faire cela lakin الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيا ديزاف دون الله سبحانه وتعالى il agrée. Il y a des œuvres qui sont beaucoup plus agréées. فلا il nous montre يعني le chemin qui est le plus agréé auprès d'Allah سبحانه وتعالى afin que nos doigts soient acceptés, et notamment lorsque la personne a été touchée par une tristesse ou bien par une angoisse et la khidim parmi les choses qui la yulaimuh. Parmi cela c'est qu'il doit faire preuve d'humilité lorsqu'il demande à Allah Azza wa Jal. Kazalika il a mis en avant husn al-aqida, aqidat al-muslim, que al-insan il est min ibn Adam. C'est une chose qui est ma'rouf, lakin qui est combattue. Dans les écoles, il est dit qu'on descend du singe, il est dit que la terre a été créée par rapport à un atome, yani min al-kathib ala Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada yani sans rad ala hadhi al-aqida al-khabitha al-fasila lati yatalakkaha يعني بعض المسلمون وبعض الأبناء في المدارس dans les écoles que nous descendons du singe et l'akhiri. حتى أعرف يعني أحد من الإخوة il a débattu avec une personne qui appuyait et qui soutenait la théorie de je crois ça s'appelle Marx ou je sais plus quoi Darwin. Donc il lui disait ils ont débattu le mohim, il a essayé de le convaincre comme quoi que nous sommes ben Adam, on descend de Adam. Fait lui il a dit non, nous on descend du singe ou et l'akhiri. À la fin il a dit bon, salut fils de singe. Tu vois. Fais regarder. Il a dit pourquoi tu t'énerves? Tu dis pas qu'on descend du singe? Donc tu es un fils de singe. Hatta ala yanima, yani sont contradictoires, yani dans leur doctrine la manière de faire. Enfin nous, alhamdulillah, aqidatuna as-salima huwa al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kull shay. Wa anna al-khaliqa Allah azza wa jalla. Fa tawassala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris comme intermédiaire avant de invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, d'évoquer l'aqidah salima, cette saine doctrine qui est que nous descendons de Adam. Et kazalika min hawa. Thumma qala, nasiyati biyadik. Fal insan, la tristesse ou l'angoisse, il ne peut pas l'enlever, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَالنَّاسِيَ c'est مُقَدِّمَةَ الْرَأْسِ pour dire qu'il est totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait Allah azza wa jal ce qu'il veut de lui. فَهَذَا يَنِي مِنْ بَابْ كَذَلِكَ l'humilité. أَتَذَلُّ الْبَيْنَ إِذَا إِلَّا عَزَّ وَجَلْ j'ai pas la possibilité de sortir de cette tristesse ou bien de cette angoisse si jamais, excepté si jamais tu m'as dit Allah. فَقَالَ نَاصِيَتِي بِيَدِكِ j'ai aucune volonté excepté si jamais tu me donnes la facilité d'accéder aux asbab qui vont faire que cette tristesse-là va partir de mon cœur. فَقَالَ نَاصِيَتِي بِيَدِكِ مَاضٍ فِيَّا حُكْمُكُ ton jugement, yani rien ne peut l'arrêter. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ tout en sachant que Allah Azza wa Jalla tout ce qu'il fait, c'est du khair. وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكِ وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكِ Allah Azza wa Jalla a créé toutes choses, lakin tout ce qu'il fait, c'est un bien. Parce que l'épreuve en elle-même, c'est un bien, c'est-à-dire afin de faire apparaître qui va patienter et qui ne va pas patienter. Comme on peut voir, yani l'argent, c'est une fitna pour qui? Pour celui qui va prendre cet argent-là, il va la dépenser dans le mal. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a créée. C'est un bien, parce que c'est une épreuve. Lakin, c'est un bien pour celui qui va le prendre et va le dépenser dans le sentier d'Allah, et un mal pour celui qui va le dépenser, fait marsiatillahi azza wa jal. Fa ashar, il est apparenté à Ibn Adam par rapport à ses démarches, par rapport à la manière dont il va entreprendre, par rapport à la manière dont il va faire. Amma Allah azza wa jal, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il a fait, c'est que du khair. Pour ça qu'il a dit, na'am ma'adin fiya hukmuk. Ton jugement, yani personne ne peut le repousser. Allahu yahkumu la mu'aqib al-hukmi, wa bi'adl. Wa bifadl, il y a une hikma à travers cela, afin de voir le patient et celui qui n'est pas patient. Wa qala adlun fiya qada'uk. Wa al-qada wa al-hukma huna, c'est le kawni, c'est-à-dire celui dont Allah Azza wa Jalla il a qala kun fayakun. Parce que le hukm al-qada, kazalika, ça peut être shar'i, c'est-à-dire les choses qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Est-ce que c'est toute personne qui adore Allah Azza wa Jalla exclusivement? Il y a des gens qui l'adorent et d'autres qui l'adorent pas. Lakin, c'est une chose qu'il a légiféré. Ça s'appelle le qada al-shar'i, ce qu'il aime et qui peut être appliqué comme c'est pas appliqué. Amma al-qada al-kawni comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que si Allah veut que cette tristesse-là, cette tristesse te touche, elle te touchera. Ça on appelle ça al-qada al-kawni, c'est une chose qui va te toucher et l'abud damin qu'il a décrété sur toi, subhanahu wa ta'ala. Faqala adlun fiyya qada'uk. Allah azza wa jal fi'luhu bayna al-adl wa al-ihsan. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bienfait, c'est un fadl minhu subhanahu wa ta'ala, c'est al fadl yani par mérite. Wa amma si jamais Allah azza wa jalla rétribue une personne par un châtiment, fahada c'est bil adl yani par justice parce que cette personne là le mérite. Fa hukmu subhanahu wa ta'ala bayna al adl wa bayna al ihsan comme qala subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Bil adl wal ihsan. Fa fi'lu subhanahu wa ta'ala entre les deux. Si jamais il rétribue une personne d'un mal qui la yulaimu la yunasibu fa c'est bimastahaqqa parce qu'il a mérité comme قال سبحانه وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير c'est-à-dire que si jamais Allah Azza wa Jalla nous punissait par rapport aux erreurs qu'on fait on serait touché par beaucoup de musibah lakin bi rahmatihi jalla wa ala il laisse passer certaines de nos erreurs et nous réprimons pas. Lakin, il faut savoir que lorsque tu es touché par une chose, c'est toi qu'en est la cause. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ il n'y a pas une musiba qui vous touche. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ c'est par rapport à ce que tu auras acquéri par rapport au mal et tout ça. Allah Azza wa Jal rétribue par rapport à ça. فَحُكْمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pourquoi? Parce que tu le mérites. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسألك بكل اسم هو لك وهذا من باب تفسير قول سبحانه وتعالى لله الأسماء الحسنى فدعوه بها comment on adore Allah عز وجل بالأسماء الحسنى par le fait de le louer par ses asma comme c'est le cas هنا il va évoquer de manière générale sans évoquer يعني les asma de manière détaillée de manière générale il va faire la louange à Allah سبحانه وتعالى par rapport à ses asma لله الأسماء الحسنى فدعوه بها comment tu adores Allah عز وجل à travers ses أسماء الحسنى en faisant l'éloge en complimentant Allah سبحانه وتعالى par rapport aux أسماء qui s'est attribué et كذلك à الصفات أسألك بكل اسم هو لك وهذا يسمى التوسل At-tawassul, c'est le fait d'évoquer soit un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien une œuvre saliha que tu as fait, afin qu'Allah Azza wa Jal t'accepte la dua. Fad-dua, comme a dit subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Il a promis que la personne qui l'implore, il va l'exaucer. Lakin, il y a des asbabs qui vont faire que ta requête elle va être beaucoup plus exaucée. Comme le fait de faire dua entre al-azan wa l'iqama lorsque tu es en safar et l'akhiri. Et kazalika, le fait de mettre avant ta requête, le fait de faire l'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala parmi l'asma al-husna. Asma al-husna wa sifat al-alakima. فعلت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. Ils ont pas dit directement فاغفر للذين تابوا, لكن توصلوا بالذكر من الصفات التي هي لله سبحانه وتعالى, et ensuite ils ont demandé. فça c'est أقوى للاستجابة, celui qui souhaite que ses requêtes soient exaucées auprès d'Allah عز وجل, voici un chemin et un comportement à prendre afin que les dua soient acceptés. Le fait de faire un tawassul, d'évoquer les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal, ou bien les a'mal al-saliha, comme c'est le cas des trois personnes qui étaient dans la grotte, et la grotte s'est refermée sur eux, et chacun de ces personnes-là a évoqué l'œuvre qu'il a fait, il y a nécessairement par Allah Azza wa Jal, ils ont évoqué cette œuvre-là, ensuite ils ont demandé à Allah Azza wa Jal qui les facilite pour qu'ils sortent, jusqu'à ce qu'ils soient sortis. Fa'al-a'mal al-saliha kazalika, ça rend min bab al-tawassul. Comme qui m'a dit Jalla wa Ala, ya yuha al-lazina manuttaqullah, wa abtaghu ilayhi al-wasilah. Kazalika, ça rend dedans al-tafsir, de faire lorsque tu demandes une requête, pas de directement demander la kin de complimenter Allah Azza wa Jal, ou bien d'évoquer une œuvre que tu as fait et que tu penses que tu as été sincère dedans, afin qu'Allah Azza wa Jal t'exauce yani cette requête-là. Fa tawassala bi batlafikum bi al-asma. Fa qala as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsak. Et ça nous montre que les asma Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tawqifiyya comme qala al-ulama. C'est-à-dire que il n'incombe pas aux musulmans de faire un effort d'interprétation afin de nommer Allah Azza wa Jal. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les prend dans le kitab à la sunna et on ne dépasse pas cela. Kama qala hauna bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak. C'est tawqifi. T'as pas le ilm pour savoir est-ce que ce nom là dans lequel tu as fait l'effort d'interprétation, est-ce que il est laïq, est-ce qu'il est convenable de le dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala wa la yuhituna bihi ilma. On ne peut pas cerner Allah Azza wa Jalla. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de faire un effort d'interprétation sur une chose qui est invisible. Le fait de faire cela, ça rentre dans qul subhanahu wa ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Le fait de suivre les choses dans lesquelles tu n'as pas de science. Wa la yuhituna bihi ilma mahma yani tuhawil kama qala al-imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala fi muqaddimati lum'at al-i'tiqad, tu ne pourras pas t'imaginer comment est Allah Azza wa Jalla. Enfin, c'est une chose qui n'est pas demandée. Mais on doit suivre le kitab, la sunna, et évoquer les noms qui sont évoqués dans le kitab, ou bien à travers la sunna. Kama qala hauna. Qala aw allamtahu ahada min khalqik. Et parmi les anbiya. Parce que tu vas trouver des noms dans la sunna qui ne sont pas présents dans le kitab, comme c'est le cas al-Shafi, comme c'est le cas al-Tabib, min asma'illahi azza wa jal, qui sont évoqués dans la sunna. Dont Allah azza wa jal n'a pas arrivé dans le Coran, lakin à travers la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous montre le masdar, la référence. D'où on prend les asma et kadalika as-sifat. Min al-kitab ou min as-sunna. Tam. Sammayta bihi nafsak ou allamtahu ahada min khalqik ou anzaltahu fi kitabik. Ou ista'tharta bihi fi ilm al-ghayb indak. Et parmi les noms et les attributs dont Allah Azza wa Jal est le seul à savoir et le seul à connaître. Et ça nous montre que asma Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas limités comme le pensent et certains des ulama. Ça c'est un effort d'interprétation qui est faux. Parce que là, à travers ce hadith-là, il évoque un Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah Azza wa Jal a des noms dont personne ne connaît. أَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكِ. Que toi, seul et l'unique à les connaître et à les savoir. Et le hadith لِلَّهِ مِيَتُ أَسْمَ إِلَّا وَاحِدٍ وَفِي الرِّوَايَةِ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا من احصاها دخل الجنه. Allah Azza wa Jal a 90 noms. Celui qui les dénombre, c'est-à-dire celui qui yani applique ces noms-là, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal min asma'ihi ar-raqib. C'est pas le simple fait de connaître yani par cœur. Tu connais min asma'illah ar-raqib, lakin t'as pas peur d'Allah Azza wa Jal sirran wa alaniya. Parce que cette personne-là, il connaît pas ce nom-là. Le connaître, c'est le fait d'appliquer. Lillahi l'asmaul husna fad'uhu biha. Qala al-ulama du'a al-ibada. C'est-à-dire que tu as, il y a un par rapport à la sifa que comporte ce nom-là, tu dois avoir une attitude et un comportement qui est convenable. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla est shadid al-iqab, donc évite les péchés. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla il est arafu al-rahim. Donc évite de désespérer de rahmatullah Azza wa Jalla. Enfin, ces asma-là, elles impliquent que la personne a l'œuvre. Ce n'est pas le simple fait de les dénombrer. Et ensuite, il n'applique pas. La yakhafullahi azawajal fiha. Le hadith, il évoque que celui qui connaît 99, il y a un nom d'Allah azawajal, va rentrer au paradis. Les ulama, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé à travers 99 noms un rétribut. C'est ça la compréhension du hadith. C'est pas que Allah azawajal a simplement 99 noms. Parce que lorsque tu relis le kitab à la sunna, tu vas voir qu'il y en a beaucoup plus. Cheikh Yahya hafidhahullah ta'ala, dans son kitab Mabad al-Mufida, il en a évoqué à peu près 110. Cheikh Abu Amr hafidhahullah, il en a évoqué à peu près 125 dans son livre, Asma al-Husna. Ils sont kathiratun jiddan. Wa dalilu dhalika, comme il a dit, aw ista'tharta bihi fi 'ilm al-ghayb 'indak, il y a des noms dont Allah Azza wa Jalla n'a pas révélé. Wa ma utitum min al-'ilm illa qalila. Wa an-nabi sallam yawm al-qiyamah في أرض المحشر سيفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه يعني من قبل. Il va intercéder pour les personnes qui seront sur la terre de résurrection afin qu'Allah Azza wa Jalla allège sur eux le fait d'être debout et d'attendre nu, sans vêtements, pieds nus, sous une chaleur qui est intense, yani qui est inexplicable. Fait, il va demander afin qu'il intercède. Il y en a pour les gens qui seront réunis, il y en a dans cette terre de résurrection. Et lorsqu'il va se prosterner, il évoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va lui inspirer des mahamid, des éloges, des compliments dont il n'avait pas l'habitude de dire fait de dunya. Donc les ulama ils ont dit, ça nous montre encore que là, que ces asma-là, ils ne sont pas limités parce qu'il va complimenter Allah Azza wa Jalla avec des noms dont il ne connaissait pas lorsqu'il était fait de dunya. Donc ça nous montre que les asma ne sont pas limités à 99. Lakin, kama qala al-ulama, c'est comme si tu disais j'ai 90 francs. Ces 90 francs-là, c'est pour acheter un livre. Est-ce que ça veut dire que j'ai que 90 francs? Ça ne veut pas dire que j'ai que 90 francs. Lakin, ceux-là sont réservés pour l'achat d'un livre. Fait kadhalika Allah Azza wa Jalla, il a placé à travers 90 de ces noms un rétribut qui est que celui qui les connaît, qui les applique, qui médite à cela et appelle à l'application de ce qu'impliquent ces noms-là, Allah Azza wa Jalla va lui rétribuer du Jannah. فَقَالَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ غَيْبِ عِنَّكَ. ثُمَّ, ensuite il a demandé, أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِ. Ensuite il a demandé, donc ça nous montre le comportement qu'on doit avoir avant de demander à Allah Azza wa Jalla d'avoir, de faire part d'humilité بين يدي الله عز وجل, de faire apparaître à travers ta requête comme avant la requête qu'Allah Azza wa Jalla il est puissant comme il a fait Haruna, je suis ton serviteur, yani je peux rien excepté si jamais tu veux. Ça montre la husna aqida comme on a pu voir, et aussi l'humilité qu'il a eu. Ensuite il a fait al-tawassul comme on a pu voir, c'est-à-dire que il a recherché avant la requête de complimenter Allah Azza wa Jalla parmi ces asma al-husna, ou bien les sifat, ou bien comme on a pu voir avec les a'mal. Ensuite, il a demandé. Donc là, on a un adab à suivre, parce qu'on a à travers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des exemples. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حَتَّى فِي الدُّعَى. فَكَذَلِكَ, lorsqu'on veut demander à Allah Azza wa Jal, لَا سِيَمَا. Lorsqu'on est touché par l'épreuve, comme il l'a fait, d'évoquer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire un tawassul bi asma'i jalla wa ala. Yuhibbu dhalika, et il place dans cela le barlofikum al-istijaba. Qu'Allah Azza wa Jalla yani va accepter ta requête. Thumma qala as'aluka an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi. Fait, il a évoqué, parce que l'adwiya, les remèdes, les médicaments afin de faire partir barlofikum l'angoisse plutôt. Et la tristesse, il y en a plusieurs. Allah bidikrillahi tatmainan qulub bidikr kazalika. Lakin il a évoqué à Hana le plus grand des sababs, qui est le Coran al-Hazim. Kama qala subhanahu wa ta'ala, qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa. C'est une guérison. Hatta qala l'imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kama fi kitabihi at-tibb an-nabawi, wa ghayr dhalika min kitabihi, que c'est le plus grand des shifa. C'est le plus grand des guérisons. Que ce soit la guérison, barakallahu fikum, des haqa'id, des doctrines qui sont erronées, qui sont fausses, Il y a la guérison des cœurs ou bien la guérison qui est corporelle, c'est-à-dire les maladies et l'akhirah. Et il dit, et tu t'étonnes que le musulman, celui qui lit le kitab d'Allah et qui sait pertinemment que c'est le plus grand des shifa, c'est la plus grande des guérisons. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Il sait cela, et lorsqu'il est touché par une maladie, lorsqu'il est touché par une tristesse, tu le vois, maintenant il va aller voir le psy. Comment c'est le kitab Allah Azza wa Jalla? C'est le plus grand des sabab. Al-an, tu es parti vers un sabab que, mumkin, c'est possible que cette personne-là, yani c'est ben Adam, c'est quelqu'un qui se trompe et qui peut avoir raison, il se trompe. Amal kitab, Allah Azza wa Jalla, il a montré que c'est le shifa. Pourquoi on s'écarte de cette guérison-là, qui est le Coran, et on va prendre un asbab, une cause, yani qui est en dehors de cela. Ça nous montre, yani, al-fahm, al-khatik qu'on peut avoir. Des fois, l'istihjal. Cette habitude que prendre le doliprane s'enlève. Non, c'est un sabab, lakin. Fais une ruqya sur toi-même. Li kitab Allah Azza wa Jalla, tanfiyab. Li kitab Allah, c'est une guérison. Qala subhanahu wa ta'ala. Fa il a dit, ani, yustagrab min al-ladina yu'ridun an hadha al-mustashfa. Qui est le kitab. Cet hôpital qui est le kitab. Dont la guérison, elle est, yani, partoufikum promise. Lakin liman. كما قال سبحانه وتعالى للذين آمنوا أما celui qui lit كتاب الله عز وجل qui passe à travers آية الربا مثلا ويأكل الربا لا يعمل بكتاب الله عز وجل فهذا خسارة له قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهم عليهم وهو عليهم عمى كما قال سبحانه وتعالى نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والظالم c'est celui qui se fait du mal à lui-même ou bien qui fait du mal à autre, ou bien qui associe Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Zulm, il est divisé en trois. Donc celui qui se fait du mal à lui-même, yahsil Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'mal bi kitab illahi azza wa jal, fa maza yarju min ash-shifa. Qu'est-ce qu'il espère comme guérison de ce kitab, alors que lui-même, yani, ne prend pas ce kitab-là comme mahkama wa comme hujjah lahu, bel yaj'aluhu alayh. Ça va lui rajouter de la maladie. Fa... قال أن تجعل القرآن ربيع قلب بس كل القرآن سنهدى لكن لمن وفق لذلك سنمونك même lire كتاب الله عز وجل c'est une cause لكن la plus grande des causes c'est que tu demandes à الله عز وجل la réussite lorsque tu lis كتاب الله que ce soit une حجة لك لا عليك الخوارج كيف ضلوا إذا avaient كتاب الله بين يديه كما قال الشيخ الفوزان لكن ما إذا avaient pas la réussite ils avaient pas le توفيق ils se sont égarés alors qu'ils avaient la guidée entre les mains. Ils ont pris les ayats qui sont descendus sur les kuffars et ils ont voulu les appliquer sur les mu'mins. Kaffaruhum. Par quoi? Par le kitab. Mauvaise compréhension. Alors qu'ils avaient la guidée dans les mains. Enfin, le fait de lire le Coran, c'est un sabab. La compréhension et l'application, c'est une autre chose. Ça passe par le fait que tu demandes à Allah Azza wa Jal à tawfiq. Wa fi sama, rizqukum ma tu'adun. Fa rizq ila fi sama. Al-huda, la compréhension, la mise en pratique, tout ça, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a. Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala فَذَيْكَ قَالَ أَنْ تَجِعَ الْقُرْآنَ رَبِّيَ عَقَلْبِ et que ce Coran là yani fleurit son cœur. C'est comme un peu une métaphore, comme si jamais ce cœur là c'était une terre dans laquelle on va verser les versets de kitab Allah azzawajal qui seront nafi'a pour les profitables. Et ces versets là vont faire fleurir dans son cœur la joie, la bonne humeur, et vont faire partir les mauvaises herbes parmi la tristesse et la rire. Pour ça qu'il a dit, Rabia, c'est une saison qui est le printemps. Et dans cette saison-là, tu vois, mashallah, les parcs et les jardins, ils sont fleuris. Fakazalik arada bidalik, sallallahu alayhi wa sallam, de faire un tashbih, une métaphore. Par rapport à la saison qui est le printemps, et par rapport, yani, à manfa'at al-Qur'an. Pour celui qui prend le Qur'an, hujjatanna, et qui le prend comme guidé, wa tasdiqan li zalik al-kitab, qu'Allah ajal fleurit son cœur de bonheur et qu'il fasse disparaître dans son cœur la tristesse, l'angoisse et l'akhiri parmi les amrad. Ça nous montre que lorsqu'on lit le kitab d'Allah Azza wa Jalla, il faut demander aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani fasse que ce Coran soit une cause yani pour la guérison de nos cœurs. Lire kazalika et de demander at-tawfiq ma tawfiq illa billah kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an taj'al al-Quran rabi'a qalbi wa nuwara sadri. Et afin que ce soit une lumière dans la ténèbre et l'obscurité des mansa'ib, afin qu'il y voit clair, afin qu'il ne s'égare pas dans ces genres d'épreuves-là, comme c'est le cas de certaines personnes. Lorsqu'il va perdre un proche, il va perdre de l'argent, tu vas le voir peut-être déchirer ses affaires, Ou yasqut ala qadar illahi azza wa jal. Il m'a essayé d'enlever pourquoi Allah يعني أفكيو أنت لمور إلى خير فهذا يني الله عز وجل يعاقبه بظلمات القلب يتنبأ ذلك بس كشيء جامد مثل بحث الله على عقيدة صحيحة تام بإيمان بالقدر إيش كه cette chose là qui l'a touché c'est comme épreuve il faut qu'il patiente ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون نعم ف il faut demander qu'Allah عز وجل illumine nos poitrines afin qu'on soit pas égaré dans la ténèbre des مصائب qu'Allah Azzawajal nous donne une issue favorable dans laquelle on va pouvoir se guider là dans ces ténèbres et en sortir bisalama, en être épargné comme on a dit, on est exposé au bonheur et qu'à la tristesse là que tu as cette lumière là qui va te permettre d'avoir le bon comportement et la bonne attitude lorsqu'une musiba elle va te toucher parmi cela, le Qur'an, c'est-à-dire le fait de l'appliquer, de le lire de le méditer, de le mettre en application d'appeler à ce kitab le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala qul huwa lil ladhina amanu, c'est pas n'importe qui comme on a pu le voir précédemment. Pour celui qui l'applique, ça sera shifa pour lui. Qala wa dhahaba aw qala wa jala huzni, que ce soit كذلك un éclaircissement, yani une dissipation de cette tristesse là, wa dhahaba hammi, et de l'angoisse. Ensuite, ce sahabi lorsqu'il a entendu cette dua min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, afala nata'allamuha, est-ce qu'on ne doit pas l'apprendre? Il a vu que c'est important, parce que comme on a pu le voir, al-insan, il est exposé à être triste dans sa vie. La buddhamine. Wa-til kal-ayam nudawiluha bayna al-nas. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son fils Ibrahim, wa kana yabki. Wa inna li faraqika Ibrahim la mahzunun kama yaqul. Wa huwa, celui qui a l'iman ou bil-qadar le plus ancré dans son cœur. Lakin, c'est une tristesse le fait de perdre un proche, c'est une tristesse. Lakin, cette tristesse-là, il ne faut pas qu'elle pousse à avoir un désagrément de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété sur lui. Il patiente, il sait que c'est une épreuve qui l'a touché et qu'Allah azza wa jalla a voulu voir à travers cela, est-ce qu'il sera patient ou bien est-ce qu'il ne le sera pas. La tristesse avant de nous toucher, lakin on a les éléments et les causes, inshallah, pour avoir la bonne attitude et le comportement à avoir lors de ces masaïb là. Parmi cela, la plus grande des causes, kitab Allah ya azza wa jalla. Pour ça qu'il a compris direct, il a dit, cette dua-là, je pense qu'il faut la connaître par cœur. Parce qu'on est exposé à ces masaïb-là, da'iman. Donc il faut qu'elle soit dans nos cœurs et dans nos têtes, directement. Lorsque un mal nous touche, il faut qu'on dégaine directement cette dua-là, afin que Allah Azza wa Jalla nous facilite. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى. Bien au contraire. قَالَ يَنْبَغِي, il convient. لمن سمعها, à la personne qui a entendu cette dua là, de la prendre par cœur. Faites les cartes, yani j'ai choisi de évoquer cette dua là premièrement parce que le prophète nous a incité à la prendre et Al-Nabi Sami il n'incite qu'à apprendre dans le bien et les choses qui seront profitables pour nous. Et deuxièmement parce qu'on a à travers cela l'attitude et le comportement à avoir quand il y a un effet de dua. أولاً, lorsqu'on appelle Allah Azza wa Jal, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala par les du'as qui sont dans le kitab et la sunnah. Ça, c'est la meilleure des invocations que tu puisses faire. Il y en a certains, ils font des efforts dans les du'as, ils ramènent les du'as qui sont propres à lui. C'est bien, lakin, quelle est la meilleure des guidées, la tienne ou celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celle du prophète. Quelle est la meilleure des paroles, la tienne ou celle d'Allah azza wa jal? Fa, fi kitabillah, il y a des ad'iyah kithira. Fait les meilleurs du'as, la meilleure des du'as, c'est celle qui est dans le kitab Allah. Parce que c'est khayr al-kalam. Wa anna khayr al-kalam, kalam Allah. وقال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن نعم أصدق من الله حديثا ف c'est la meilleure des دعاء. C'est pour ça que حتى il a évoqué Cheikh l'Islam que la personne qui a l'habitude d'aïman de se détourner des adhiya, des invocations qui sont dans le kitab et la sunna, قال أخشى أن يكون من البدع. Parce que cette personne là on peut comprendre à travers cette attitude là que il pense que ces دعاء sont mieux que celles du prophète sallam. Pourquoi? Parce que toujours il est en train de faire ses les du'as qui sont propres à lui. Donc on doit choisir parmi les ad'iyah, parmi les du'as, celle qu'a évoqué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a, à travers cela, la meilleure des guidées et le meilleur chemin qui va nous mener à la chose dont on veut. Comme c'est le cas ici, le fait de se guérir les poitrines. Kazalika, c'est le premier des causes. De prendre les ad'iyah que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi. Deuxièmement, d'avoir de l'humilité. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, « Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya. » T'élève pas la voix, لأن الله عز وجل سميع بصير وكذلك يفكي فاسبقب دوميليتي بين يدي الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى عظيم جدا Tu vois les gens lorsqu'ils demandent à un ministre ou bien tu le vois, il est dhalil, yani. Il se rabaisse devant lui. Fakifa billahi azza wa jal. Rabbus samawati wal ard. Khalaqa kulla shay. Fait qu'il faut qu'il fasse preuve d'humilité dans sa voix et dans sa manière d'être lorsqu'il demande à Allah azza wa jal. Kadhalika, troisième cause, le fait de prendre at-tawassul. Wa bataru ilayhi al-wasila, l'intermédiaire qui va vous permettre d'arriver aux choses dont vous voulez, aux objectifs dont vous voulez, parmi cela, qu'Allah azza wa jal t'accepte dans la dua. Fa ad-dua laha asbab l'istijaba wa min dhalika at-tawassul. Wa min dhalika at-tawassul. Et ensuite, tu demandes à Allah Azza wa Jalla ta requête. فهذا الحديث حديث مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لمن سمعها يتعلمها. Et ce hadith il est موجود dans les citadelles, que ce soit حسن المسلم وحسن المؤمن. المهم, c'est évoqué, il est évoqué dedans. فأحثكم وإياي على حفظ هذا الحديث وتدبر ما فيه من المعاني الكثيرة. Ce que j'ai évoqué, c'est un film. لكن الذي يقف فيه, il va sortir des enseignements qui sont énormes. À travers ce hadith al-azim, hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu عند الامام احمد وغيره من المصادر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران ربيع صدورنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا والحمد لله رب العالمين.